Tire, ça veut gratter l'amitié, tu fous, allez, décampe. Tu veux savoir la vie que je mène jusqu'à mes dépenses. Amour et jalousie, j'ai appris à mes dépens. Les pipelettes braillent dès qu'elles ont l'occasion, ouais, je les pends. Comme le virus, on se répand, ça tape ton changement de plan. Ils sont la branche, je suis variant, et quand je les kick, ça déboire. Capote ou pas, je suis dedans. Flow énergie, ça déborde, toujours impeccable sans effort. Ni élève, mais mentor, essence scolaire élémentaire. Ben à coup, si tu t'endors, dans ce rap de merde, on t'enterre, tiens. Péter le score, casser des bouches, casser des portes, tiens. C'est le leur sans choix qu'ils se couchent comme des escortes, cœur. C'est family, first, je m'en tape et tu crèves, meurs. Je traque à mes démons, mes dépens, mes mains, mes détracteurs. Double Hakim, cap, cap, HH forever. HH forever, HH forever, HH forever. À mes dépens, contre-courant dans un mouvement inerte. À mes amis, à mes amours, ouais, à mes emmerdes. Cheer, rendre le contresens. Pour aller de l'avant, une voix à sens unique. J'ai appris à mes dépens. Est-ce ce monde qui marche sur la tête, ou les têtes qui ne marchent plus, les cœurs ne sont plus à la fête, et les salons rêvent de salut. Jouer avec le feu, ça ne dure pas longtemps. Les longues dans ce café, je l'ai appris à mes dépens. Tu vois la tasse, c'est passé le cap, les cascades des calques. Quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, les crasses ne s'effacent pas. À force de faire des erreurs, je prends du plomb dans la tête. J'ai tellement fait confiance, en fait, je pars en éclaireur seul. Pour ne pas me retrouver une fois de plus dans une impasse. Le cœur entre deux chaises et le temps passe. Quoi que je fasse, si je tombe, je me relève. Mon expérience se fonde, c'est marche ou crève. Bref, situation où s'envolent mes rêves. Je serre les dents, les poings, regarde tes dans les coins. Si je vois des i, je mets les points. Je vais juste aller plus loin, mais je prends des gamelles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est comme le caramel. La poitrine se colle aux dents et tous les dés s'entêchent. Mais j'ai pas fini, dois-je. La vie recèle dans roule de deux malheurs et son cortège. Mais qui ne se trompe pas? Qui ne se trompe pas, c'est pas grave. Parfois dans l'œil, j'ai pas le compas. Ça dépend, réponds les couplets, sonne comme une détente. J'ai appris à mes dépens, recule pour une meilleure détente. Prendre le contresens. Pour aller de l'avant, une voix à sens unique. J'ai appris à mes dépens. Est-ce ce monde qui marche sur la tête, ou les têtes qui ne marchent plus, les cœurs ne sont plus à la fête, et les salons rêvent de salut. Jouer avec le feu, ça ne dure pas longtemps. Les longues dans ce café, je l'ai appris à mes dépens. Tu vois la tasse, c'est passé le cap, les cascades des calques. Quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, les crasses ne s'effacent pas. Les crasses ne s'effacent pas. Hey, moi, Hakim Norbert, cheer. Presse d'un papy, 2-0-2-1. Dans la place, yeah, mais écoute, yeah, ça.